chose, mais l'autre chose. Elle m'a tout sauvé. La connexion Toulouse-Madrid. Fraîchement débarqué de ma France natale. Pour un attentat verbal sur l'instrumental. Je suis là pour représenter la langue de Molière. Sans prétendre être meilleur que lui, sans faire le gangster. Passionné par les beaux mots depuis tout gosse. C'est à mon tour de poser à qui estamos. Ma langue latine, lengua latina. Elle va toujours au platine. On va t'expliquer ça. À l'origine, langue diplomatique. Outil de communication fantastique. Unifiant les peuples autour d'un même dialecte. Alors mec, tu respectes. Les lettres forment des mots puis des phrases. Ça m'a toujours laissé en extase. C'est pas ce mic pour te parler de ce qui nous unit tous. Sur un son de Manu One qui fout la fousse. Association de DJ, de MC d'horizons diverses. Autour d'un putain de feu que l'on déverse. Escribe les cantares, mes vidas, Chico de Francia les presenta. Association de DJ, de MC d'horizons diverses. Autour d'un putain de mot que l'on déverse. Escribe les cantares, mes vidas, Chico de Francia les presenta. Lingua latina. Tu veux savoir comment je m'appelle? F-R-O-S-T, c'est comme ça que ça s'appelle. Étymologiquement glacial ou givré. Toutes les pans de l'humeur de la journée. Tu peux me croiser dans les rues de Madrid. Le casque sur la tête, l'air un peu stupide. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le son dans les oreilles, c'est ça ma vie. À freestyler avec mes potes dans un parc ou sur une place. À base de face dégueulasse. Des heures d'impro à toujours checker la bonne rime. J'suis pas un pro mais toujours très tard ça se termine. J'manie le vocabulaire tant bien que mal. Et jamais je ne m'emballe. Faut toujours rester humble face au silence. Que tu parles espagnol ou la langue de France. Association de DJ, de MC d'horizons diverses. Autour d'un putain de flow que l'on déverse. Escribe les cantares, mes vidas, Chico de Francia representa. Association de DJ, de MC d'horizons diverses. Autour d'un putain de flow que l'on déverse. Escribe les cantares, mes vidas, Chico de Francia representa. Lengua latina. Troisième couplet, déjà les mots manquent. No, my shit can't stay blank. Faut que je trouve un truc à raconter dans n'importe quelle langue. Que les mots me reviennent comme un putain de boomerang. L'inspiration venant de tout ce qui m'entoure. Toujours quelque chose à balancer et ce chaque jour. Que je te parle de politique, de cuite, de shit, de fait. Y'a toujours un mot au bout de mon bic. Sur le beat, j'suis là pour mettre le tarif à personne. J'en fais pas des tonnes même si parfois je déconne. Faut savoir rester humble face au lexique. C'est pour ça qu'on kiffe nos langages, c'est pour ça qu'on t'explique. J'ai digressé alors que le thème était bien précis. Partir en plus c'est ce que j'apprécie. Il est temps, j'ai versé ton drank sanguine. Un gros big up à toutes nos mères, les langues latines. Association de DJ, de MC d'horizons diverses. Autour d'un putain de flow que l'on déverse. Escribe les cantares, mes vidas, Chico de Francia representa. Association de DJ, de MC d'horizons diverses. Autour d'un putain de flow que l'on déverse. Escribe les cantares, mes vidas, Chico de Francia representa. Lengua latina. Association de DJ, de MC d'horizons diverses. Autour d'un putain de flow que l'on déverse. Escribe les cantares, mes vidas, Chico de Francia representa. Association de DJ, de MC d'horizons diverses. Autour d'un putain de flow que l'on déverse. Escribe les cantares, mes vidas, Chico de Francia representa. Lengua latina. Association de DJ, de MC d'horizons diverses. Autour d'un putain de flow que l'on déverse. Escribe les cantares, mes vidas, Chico de Francia representa. Association de DJ, de MC d'horizons diverses. Autour d'un putain de feu que l'on déverse. Escribe les cantares, mes vidas, Chico de Francia representa. Lengua latina. Dédicace à la famille.